2M, Pesca, l'hérétique, yeah. Les acolytes, vas-y ouvre tes oreilles, c'est de la bombe contre terre. Ici y'a pas de quoi comme, c'est le seum qu'on possède. Dans leur c'est qu'ils font les mecs des holés, genre mettre des mandales. Petit bâtard, sache qu'on te guette du haut des mondes. Vas-y ouvre tes oreilles, c'est de la bombe contre terre. Ici y'a pas de quoi comme, c'est le seum qu'on possède. Dans leur c'est qu'ils font les mecs des holés, genre mettre des mandales. Petit bâtard, sache qu'on te guette du haut des mondes. 2010, le rap est mal interprété. Les effus ou les machins, on veut tous les faire péter. Y'a pas de pitié, on va pas vous laisser faire. Là, on avance dans l'ombre, vous verrez les effets. Des efforts on en a fait, jusqu'à maintenant on a rien dit. Vous avez pu faire vos affaires ainsi que votre merde. Mais maintenant c'est fini, car les acolytes sont de retour. On n'aime pas les jaloux, donc si tu parles, on te retourne. On contre tout bonhomme, effet boomerang. C'est nous contre tous, dans leur tête on fait boom bang. Regarde bien, s'il y a pas de maison, ce que dit. Écoute ce que ça donne, y'a ces bangs, le nom de ce titre. Pour comprendre d'où ça vient, il faut que tu passes la porte. Pendant que tu tapes la base, moi je casse la prod. Attache la corde, canard de la prof. J'avoue, là ça veut rien dire, là je te l'accorde. Vas-y, ouvre tes oreilles, c'est de la bombe contre serre. Ici y'a pas de pas comme, c'est le seum qu'on possède. Dans l'air, c'est qu'ils font les mecs des holés, genre mettre des mandales. Petit bâtard, sache qu'on te guette du haut des montagnes. Vas-y, ouvre tes oreilles, c'est de la bombe contre serre. Ici y'a pas de pas comme, c'est le seum qu'on possède. Dans l'air, c'est qu'ils font les mecs des holés, genre mettre des mandales. Petit bâtard, sache qu'on te guette du haut des mandales. Quand on est en manque de thunes et que la haine s'installe, R2N sort sa plume, on descend pas de notre pédestal. On est à les acolytes et PSK, Despa, reste calme ou on t'emballe. N'oublie pas qu'on vient d'en bas, alors tente pas nous péta ou tu loucheras sur mon pétard. Plutôt crever au mitard que tu fumes sur mon pétard. Nous on aime pas les gros bâtards, c'est un blême, on se donne rancard dans 3 quarts d'heure. Boum! Et juste après on tremballe, c'est le risk facteur qui nous pousse chaque heure et chaque jour. Car dans chaque heure, c'est la peine qui s'agite et s'ajoute. On t'a dit qui nous joue de sacrés tours, tu peux me croire, y'a pas de doute. Dans la vie, j'ai pris trop de coups pour qu'un jour me vienne l'envie de creuser mon trou. Alors viens plutôt me sucer mon bout. Moi c'est PSK, reste calme. Et le rap comme je viens lui péter son boule. Ouvre tes oreilles, c'est de la bombe contre serre. Ici y'a pas de pas comme, c'est le seum qu'on possède. Dans l'air c'est qu'ils font les mecs des holés, genre mettre des mandales. Petit bâtard, sache qu'on te guette du haut des montagnes. Vas-y ouvre tes oreilles, c'est de la bombe contre serre. Ici y'a pas de pas comme, c'est le seum qu'on possède. Dans l'air c'est qu'ils font les mecs des holés, genre mettre des mandales. Petit bâtard, sache qu'on te guette du haut des montagnes. Rappeur de baisse, de petit baisse, de tout ce qui s'ensuit. Les rétiques collés au mic comme une putain de sang. Qu'est-ce t'as cru, on sent pas les couilles de toi et ton crew. Si tu nous as pas cru, viens on a déjà creusé ton trou. L'hérétique va faire de tantous. R2N pèse qu'à pas faire Tom Cruise. Pour des partous adultes sur Pénélope. Couze rap comme dans l'enculé. PD, on arrive sur toi plus vite qu'une frappe de Franck Sauzé. Les acolytes sur nous tu peux pas te tromper. On n'a pas de sosie, égosie-toi devant notre rap ou masturbe-toi sur notre groupe. Et si tu lâches pas la grappe, tu buteras au point de la troupe. Wesh ma couille, toi tu balances comme ma colle. En plus t'as la dégaine déjà, puis t'as plus qu'à signer dans le rap. Comme pendant que nous on se fera connaître avec des sons de bad boy qui feront couler le paquebot. De ta réussite c'est pas de bol. Vas-y ouvre tes oreilles, c'est de la bombe contre serre. Ici y'a pas de pas comme, c'est le seum qu'on possède. Dans l'air c'est qu'ils font les mecs des holés, genre mettre des mandales. Petit bâtard, sache qu'on te guette du haut des montagnes. Vas-y ouvre tes oreilles, c'est de la bombe contre serre. Ici y'a pas de pas comme, c'est le seum qu'on possède. Dans l'air c'est qu'ils font les mecs des holés, genre mettre des mandales. Petit bâtard, sache qu'on te guette du haut des montagnes. Vas-y ouvre tes oreilles, c'est de la bombe contre serre. Ici y'a pas de pas comme, c'est le seum qu'on possède. Dans l'air c'est qu'ils font les mecs des holés, genre mettre des mandales. Petit bâtard, sache qu'on te guette du haut des montagnes. Vas-y ouvre tes oreilles, c'est de la bombe contre serre. Ici y'a pas de pas comme, c'est le seum qu'on possède. Dans l'air c'est qu'ils font les mecs des holés, genre mettre des mandales. Petit bâtard, sache qu'on te guette du haut des montagnes.